réveille chaque matin de bonne heure. Il me prépare un café et m'attend en lisant un journal vieux de 10 ans, jauni par le temps. Dans la journée, on reste des semaines sans parler, à écouter le temps tomber dans l'évier, dans les vieilles habitudes qui nous font nous aimer. On se trimballe dans les rues, au café des hommes nus. À ma santé je bois, à sa santé. À la centième, je crois l'avoir perdue. Et je danse sur les fûts et les fumes, le temps d'un sourire. Mon ennui me ramène aux premières lueurs. Il me traîne dans mes vapeurs et me tord en disant que la vie est vilaine, que les femmes sont vaines, que le temps d'un instant n'en vaut pas la peine. Que le temps d'un instant n'en vaut pas la peine. Il y a ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, mon ami, mon ennui, ça c'est ma vie. Il a ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, mon ami, mon ennui, ça c'est ma vie. Le dimanche, mon ennui me promène à sa famille. Des chantiers désertés, des enfants mille jouets. Du ton banal, des actualités, des malades alités et des couples qui ne peuvent plus se parler. Avec mon ennui, on s'est dit qu'on ferait des gosses qui seraient chiants à nourrir comme papa, qui ne seraient pas bien difficiles à dormir au fond de la classe, épanouis devant les courses de limaces. Alors petite, ne m'en veux pas si parfois dans tes bras je ne suis plus là, ce n'est pas toi. Mais c'est l'ennui qui passe par là, qui se glisse entre mes bras, au milieu de nos ébats, en murmurant avec sa voix tout bas. Ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, il est mon ami, mon ennui, ça c'est ma vie. Il a ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, mon ami, mon ennui, ça c'est ma vie. Il a ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, il est mon ami, mon ennui. Ça, c'est ma vie. Il a ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, il est mon ami, mon ennui, ça c'est ma vie. Il a ces mots qui savent me plaire, pour ça je l'aime comme un frère. Il est mon ombre, il est mon ami, mon ennui, ça c'est ma vie. Ces mots qui savent me plaire.